La vache, de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Margot. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La vache. Dès 5 heures, sitôt que l'aurore fit tache sur l'enténèbrement nocturne, piqué d'or, un gars traça des croix sur le front de la vache, et le licol tendu la mena vers la mort. Partout dans les clochers sonnaient les réveillés, les chants riaient, malgré les brouillards étendus, sur la campagne, ainsi que des laines mouillées, et l'effroi qui la nuit était redescendu. Des ouvriers lourds et mous, à leurs travaux revêches, allaient, bâillant encore, muets, presque dolents, sur leur énorme dos luisait l'acier des bêches, plaquant le jour brumeux et gris de miroirs blancs. On entendait gronder des fracas de roulage sur les pavés, des bruits de vieux chariots pleins. Au loin se balançaient des charges de fourrage entre les coins de blé et les recoins de lin. Les poternes s'ouvraient partout au long des routes avec des grincements de clés et de verrous, et les bêtes de clos à clos s'appelaient toutes, et la vache passait très lente et beuglait doux. À droite, on voit blondir l'immensité de plaine, des carrés roux faisant des angles dans les verts, des villages par tas, des hameaux par vingtaines, avec de grands zigzags de routes à travers. À gauche, les vergers rajeunis qu'effiloque le vent de juin, soufflant sur les massifs fleuris, toute l'explosion de l'estivale époque, blanche sous un azur jeune, brouillée de gris. Enfin, par un dernier détour de sente verte, on parvient au village, assis sur un plateau. La boucherie est là, tout en haut, large ouverte, dans un encadrement plaqué de champs et d'eau. La vache brusquement s'arrête au seuil du porche. Tout est rouge autour d'elle et fumant, sur le sol, un taureau tacheté de rousseur qu'on écorche et dont coule le sang par un trou fait au col. Des moutons appendus au mur, têtes fendues, des porcs gisant sur la paille, moignons en l'air, un veau noir sur un tas d'entrailles répandues, avec le coutelas profond fouillant la chair. Et plus loin, au-delà de ces visions rouges, ce sont des coins verdis de blé qu'elle entrevoit, où des bœufs laboureurs que bâtonnent des gouges entaillent le terreau gluant d'un sillon droit. Et voici que se fait la lumière complète, le creusement profond des lointains horizons, le grand jour triomphal et doré qui projette ses flammes d'incendie au ras des floraisons, qui baigne les champs gras d'une sueur fumante, les pénètre à plein feu de ses rayons mordants, les brûle de baisers d'amour comme une amante et leur gonfle le sein de germes fécondants. La vache voit bleuir le grand ciel qui surplombe l'embrasement du sol où luit l'escaut vermeil. Lorsqu'un coup de maillet l'étourdit, elle tombe. Mais son dernier regard s'est empli de soleil. Fin de La vache.